L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut ? Par Eric Simon. On ne sait plus trop s'il faut l'appeler un objet astrophysique. Il s'agit d'un des amas de galaxies les plus énormes que les astrophysiciens aient jamais découvert. Et surtout à la distance à laquelle cet amas méga massif se trouve, à 8,5 milliards d'années-lumière. Sa masse ? Accrochez-vous à votre fauteuil. 1 million de milliards de masses solaires. Cet amas de galaxies est appelé MOO J1142+1527. MOO étant l'acronyme de Massive Overdense Object, objet massif hyperdense. Les astrophysiciens de l'équipe menée par Anthony Gonzalez de l'Université de Floride ont exploité le télescope spatial Spitzer ainsi que WISE, Wide Field Infrared Survey Explorer, pour chercher les amas de galaxies les plus massifs possibles. Ces types d'amas de galaxies en contiennent plusieurs milliers, et on peut rappeler qu'une seule galaxie contient une bonne centaine de milliards de masses solaires en étoiles. MOO J1142+1527 contient ainsi environ 10 000 galaxies à lui seul. Les amas de galaxies grossissent au fil du temps, absorbant de nouvelles galaxies de manière continue. C'est pour mieux comprendre comment évoluent ces amas de galaxies que Gonzalez et ses collaborateurs se sont intéressés aux amas situés à plus de 8 milliards d'années-lumière. Les astrophysiciens ont pioché dans le vaste catalogue de WISE, qui a recensé des centaines de millions d'amas de galaxies sur tout le ciel entre 2010 et 2011. Ils ont ensuite braqué Spitzer sur les 200 objets les plus intéressants en termes de masse. Pour déterminer la distance de MOO J1142+1527 avec précision, l'équipe a ensuite utilisé les télescopes Keck et Gemini à Hawaï. Et pour évaluer la masse totale de l'amas, c'est avec le réseau de télescopes californien CARMA, Combined Array for Research in Millimeter Wave Astronomy, que les chercheurs ont travaillé. C'est là qu'ils ont trouvé cette masse assez phénoménale de 1 million de milliards de masses solaires. MOO J1142+1527 est l'amas de galaxies le plus massif jamais observé à cette distance. Et d'après le modèle cosmologique actuel, et ce que l'on pense savoir sur l'évolution des amas de galaxies, il devrait faire partie des 5 amas de galaxies les plus massifs dans cet univers âgé de 5 milliards d'années, d'après Peter Eisenhart, co-auteur de l'étude. Le but des astrophysiciens, avec la découverte de ces amas ultramassifs, c'est d'étudier les galaxies qui les composent et observer comment elles-mêmes évoluent dans un tel environnement. Dans les mois qui viennent, l'équipe d'Anthony Gonzalez prévoit déjà d'observer de près une nouvelle sélection de 1700 amas de galaxies, en plus des 200 déjà épluchés. La course au record de masse se poursuit. L'article de Anthony Gonzalez est paru dans The Astrophysical Journal Letters, volume 812, et il a pour titre « The Massive and Distant Clusters of WISE Survey, MOO J1142+1527, 10^15 Solar Mass Galaxy Cluster at Z égale 1.19 ». On va le traduire, allez. Les amas de galaxies massifs et distants du relevé WISE, MO J1142+1527, un amas de galaxies de 10^15 masse solaire au redshift Z égale 1.19. A très bientôt sur Ça se passe là-haut. Restez bien à l'écoute sur le www.ça-se-passe-là-haut.fr. Et vous retrouvez ce podcast, bien évidemment, sur podcloud.fr ou bien sur iTunes ou bien sur le blog. Allez, faites votre choix. Restez les yeux au ciel et les pieds sur terre. Salut !